الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pour une autre fois, nous qui parlons de Guidia, nous avons un locus qui est vraiment important, nous avons un locus Guidia qui est vraiment important, et nous pouvons finir. Pourquoi qu'à insister dans les sujets là? Parce que si nous pas appliquer ces causes guidées, et si Allah pas guidé nous, personne ne peut pas guider nous. Personne. Allah a dit nous, wa man yudlilillahu fama lahu min had. T'as là que Allah qu'a égaré, alors personne ne peut pas guider. Personne ne peut pas guider. Il faut que nous forcer qu'on nous, pour Allah ba nous guider. Alors nous, depuis la semaine passée, que ces gens-là qui n'ont pas qu'à suivre ces prophètes-là, ils n'ont pas bien guidé. Et qu'il n'y a pas ni un seul prophète qui te gardé ces gens-là, il faut qu'ils croient en la Trinité. Il faut qu'ils croient en Trinité. Pas ni un seul qui te gardé ça. Ou peut-être qu'ils trouvaient dans un seul texte que Moïse ou Abraham, tu qu'à croire que bon Dieu ni en Tchamaï. Ou peut-être qu'ils trouvaient ça. Si vous méditez en laissant, ça peut aider en l'eau pour vous trouver guidé. Et vous savez en frontière que réponse là, vous pouvez y trouver et puis c'est chrétien. Réponse à question ta là, concernant Moïse et Abraham, que vous n'avez pas appelé ces gens-là, vous n'avez pas demandé ces gens-là, vous adorez Jésus, Abraham et Moïse, vous n'avez pas dit ces gens-là, il faut que vous croyez en la Trinité. Ou savent que ça, réponse à question ta là, ou peut que trouver, et puis c'est chrétien. Ou savent ça en frontière. Mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui a empêché l'homme de trouver guidéa alors que yo ouais vérité. Obstacle ta là, c'est quand yo ka dit en français, le regard des gens. Il y a un homme, yo savent que l'islam c'est vérité. Mais yo peut pas passer étape ta là parce que yo peut pas quitter religion qui plus propager en Martinique. Yo peut pas quitter religion ta là parce que c'est lui qui plus propager en Martinique. Yo peut pas quitter religion en cette yo peut pas quitter religion parent yo parce que c'est religion ta là qui plus propager en Martinique. Alors nous ka di ces moun là qui a dans situation ta là, nous ka di yo pas pète foi. Pas peut de fois, parce que Allah abordé si j'étais là en courant. Allah dit nous, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana wa law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Et si nous dit yo, suive ça Allah fait descendre. Yo ka dit non. Nous qui suivent ça nous ouais parents nous faire. Et même si parents yo pas te ka comprendre rien et yo pas te bien guidé. Adam verset là, Allah ka parler nous dit ces moun là qui préférer religion en cet yo après que yo tant vérité a. Et après ça Allah ka poser yo en belle question, en question qui important même. Et souvent ou que ouais ça en courant que Allah qu'a posé ces moun-là des questions pour aider yo réfléchir. Par exemple, Allah a dans l'autre sourate t'es qu'a parlé de ces moun-là qui qu'a adoré Jésus et Marie. Alors Allah dit yo فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Qui moun qui ni de quoi opposer koi à Allah si Allah décidait que ike fait Jésus et maman y mort, mais aussi toutes ces moun là qui assis la terre. Réfléchis, si vous savez que Allah c'est lui qui crée ou c'est lui qui crée tout moun et c'est lui qui ka fait ça il est, et si il est Jésus mort, Jésus ka mort, alors si vous d'accord et puis ça pouchi ou ka adorer Jésus. Pouchi, faut qu'on adore Allah. C'est lui qui a décidé toute bagaille. Et donc, question ta là, pour faire réfléchir. Et première question que nous citer aujourd'hui, qui a aidé à réfléchir aussi. Si vous décidez que vous ne suivez pas parents à tout prix, si vous décidez que vous ne suivez pas parents à tout prix, est-ce que vous suivez même si vous ne connaissez pas les parents? Nous commandons ou décidez que vous suivez ou que suivez parents à tout prix. Et donc, nous commandons à présent, est-ce que vous suivez même si vous ne connaissez pas? Et même si vous n'êtes pas bien guidé, même si vous n'êtes pas bien guidé, est-ce que vous suivez? La réponse non. Personne peut pas répondre oui, mais qu'a suivi même si on pas bien guidé. Parce que moun lan qui dit ça, moun ta la ka avoué tout de suite que il pas les guidé. Tandis que moun lan qui ka dit au man les la guidé. Si vous mandez si papa ou et maman ou pas bien guidé, est-ce qu'a suivi? Si il dit oui, c'est qu'il pas les guidé. Et donc si il dit non, si on pas bien guidé, mais on peut qu'a suivi. Et donc là, c'est qu'il est guidé. Alors, en catalan, nous ka di ou, si ou le guide a, et si ou pa ka suivre aveuglement, alors, bagay la ka ou pou prendre en compte, c'est la vérité. C'est vérité a. Là où ou a vérité a, c'est ça faut qu'ou suive. Faut pas ou suivre religion maman ou papa ou nous pas savoir qui religion. Faut qu'ou suive vérité a. C'est ça faut qu'ou suive. Et, c'est un bagay qui surprenant parce que ces chrétiens, yo ka reproché ça, bagay ta là, yo ka reproché aux juifs. Yo ka dit les Jésus vini, ces juifs là étaient accrochés en la religion parent yo et yo pa télé quitter religion ta ya. Yo pa télé suivre Jésus. Je dis à nous ka dit autre même bagay là. Nous ka dit autre même bagay là pour ti autres ka été accrochés comme ça. Si vous trouvez la vérité, si vous trouvez vérité là, et ou que l'islam c'est la vérité, fuck pas ou rester accroché, accrochant dans l'autre bagaille, sinon pas bien guidé. Et donc, faut qu'on garde côté vérité, qu'on nous dit. Et faut qu'on obtienne, ça c'est très important, faut qu'on obtienne, faut qu'on cherche, obtienne satisfaction à la selle. Ou pas besoin de satisfaction, personne. Moi, je vais prendre un exemple. Nous, je vais prendre par exemple, si vous êtes mon marigot, et que tout mon marigot, il est satisfait de vous. Est-ce ça le dit qu'on est rentré en paradis, hein? Tout le monde l'en satisfait, dit. Est-ce ça le dit qu'on est rentré en paradis, hein? Non. Et donc, pas chercher satisfaction personne. Mais chercher satisfaction, t'as là qui crie, yo. C'est lui qu'on peut chercher satisfaction, hein. Allah qu'a dit nous encore un. Yahdi bihillahu mani taba'a ridwanahu soule salam. Grâce à l'iv t'as là. Allah qui a guidé ces moulins qui a cherché satisfaction en les chemins la paix. Où les trouver la paix, faut qu'on cherche satisfaction Allah. Il t'a guidé où en les chemins Allah. Alors faut pas ou prendre paix parce qu'il y a une idée moun qui a critiqué tout le monde qui a quitté religion qui puisse propager en pays. Mais faut qu'on ou paix Allah seul. Allah qui a dit nous encore. Fela takhafu hum wa khafu ni in kuntum mu'minin. Alors pas peur yo. Mais peur moins si autres c'est des croyants. Mais peur moins si autres c'est des croyants. Et donc nous ka arrêter là pour aujourd'hui pour nous pas faire trop long. Mais ma ka dis autres nous ki continuer et nous ki aborder un sujet qui est vraiment important aussi en cause de la guider qui est vraiment vraiment très important, c'est que faut nous utiliser raison. Allah il bat nous en raison, il bat nous en capacité de réflexion. Faut que nous utiliser ça si nous les trouver guidés. Et c'est ça que nous kewer la semaine prochaine. Et m'a commandé Allah bat nous toute la guidée et Allah capable de faire tout ça il y a. Walhamdulillahi rabbil alamin.